الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on est au cinquième cours des annulatifs de l'islam de Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, décédé en l'an 1206 de l'Hégire, et explicatif qui est fait par Cheikh Mohammed bin Omar Bazmoul hafidahullah ta'ala, parmi les chiurs contemporains enseignant à Jami'at Umm al-Qura à la Mecque, à l'université de Umm al-Qura. Et on n'avait pas encore commencé l'étude des annulatifs à proprement dire. Pourquoi? Parce qu'on était attaché, on s'est attaché jusqu'à présent et encore pour quelques cours, Inch'Allah, à faire une introduction concernant 15 règles concernant le takfir. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va terminer la 7e règle et on va faire la 8e, la 9e et peut-être la 10e aussi, Inch'Allah. On est arrivé à une parole de Ibn Taymiyyah, rahimahullah, c'est pour les frères qui ont le livre, et encore, après 3 semaines, je m'excuse encore, hein, les livres ne sont toujours pas arrivés. Et on est arrivé à la page 50 de l'édition Dar Adwa Salaf. Et pour les frères et les sœurs qui n'étaient pas présents ou qui n'ont pas pu écouter via la radio, parce que maintenant les cours ne sont plus transmis par Paltalk, ils sont retransmis uniquement sur la radio, hein, que vous le sachiez, Inch'Allah. De toute façon, on l'a fait savoir sur Twitter et autres. Bien, c'est que les 4 cours qu'on a déjà fait, ils sont disponibles en audio. En tout cas, les 3 premiers déjà sur une publication, bientôt sur notre site, Inch'Allah. Et les 4 PDF, c'est-à-dire toutes les notes, sont déjà disponibles sur une publication. Hein? Donc pour ceux qui veulent savoir ce qu'on a fait avant, qui n'ont pas assisté du tout, ou qui ont raté quelques cours, eh bien qu'ils reviennent à ces notes-là et à ces audios-là, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, 5e cours, et on est arrivé à la page 50, où il dit, Ibn Taymiyyah rahimahullah, et on finit cette 7e règle. Quelle est cette règle d'ailleurs? On va pouvoir tourner un peu en arrière. Vous allez voir que al-dhabit as-sabi' qiyam al-hujjah la budda minhu 'inda irada at-takfir al-mu'ayyan. Donc il est nécessaire d'établir les preuves, de présenter les preuves lorsque on veut, évidemment c'est pas à nous, comme on va le voir dans la 15e règle inshallah, c'est aux ulama de faire ça, hein, quand on veut juger quelqu'un de spécifique, une personne spécifique en mettant mécréante. Ibn Taymiyyah rahimahullah الذي قال رحمه الله حقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه فيقال من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها، وهذا كما في نصوص الوعيد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، سورة النساء. فهذا الوعيد ونحوه من نصوص الوعيد حق، لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد، فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار. Et ça, c'est un point qu'on avait déjà vu dans quel livre, Usul Sunnah. C'était un des chapitres qu'on avait déjà fait. لجواز ألا يلحقه الوعيد لفوات شرط أو ثبوت مانع، فقد لا يكون التحريم بالغة، وقد يتوب من فعل المحرم، وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم، وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه، وقد يشفع فيه شفيع مطاع. وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون بلغته ولم تثبت عنده أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله تعالى بها. فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له خطأه كائنا ما كان، سواء كان في المسائل النظرية أو العلمية، هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام. وديا تخدوخ سو بخومي باساج، ابن تيمية رحمه الله il a dit qu'Allah lui fasse miséricorde, la réalité de l'affaire en cela est qu'une parole peut être une mécréance. Et donc on dit, de manière absolue, générale, que celui qui dit cette parole est un mécréant. De manière absolue, générale. Et donc il est dit, celui qui dit telle chose est un mécréant. Mais en ce qui concerne la personne spécifique, c'est pour ça qu'on réfère ici à quoi takfir al-mu'ayyan. On avait dit qu'il y a une différence entre na' ou al-ayn. Hein? Ici, on parle de quoi ? Mais en ce qui concerne la personne spécifique qui a dit cette parole, on ne la juge pas mécréante tant que les preuves ne lui sont pas présentées, dont celui qui les délaisse, c'est-à-dire quoi ces preuves, hein, aura mécru. Et cela est comme au sujet des textes de menace. On a déjà parlé des textes de menace, hein, dans plusieurs de nos cours. Car Allah le Très-Haut dit, ce dont la traduction du sens est, c'est un verset de Sourate Nisa, le verset 10, ceux qui mangent disposent injustement des biens des orphelins, ne font que manger du feu dans leur ventre. Ils brûleront bientôt dans les flammes de l'enfer. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit, donc cette menace et autres similaires, parmi les textes de menace, est une vérité. Mais quant à la personne spécifique, on ne témoigne pas à son sujet en fonction de cette menace. Et donc, on ne témoigne pas au sujet d'une personne spécifique parmi les gens de la Qibla. On avait déjà défini dans Usul Sunnah qu'est-ce que ça veut dire Ahl Qibla. Qu'elle est en enfer. Et ce, car il est possible que la menace ne la touche pas en raison d'une condition qui ne s'est pas réalisée. Vous avez toujours cette référence à quoi ? À Shurut et Al-Mawani'a. C'est une notion fondamentale. Ou en raison... Donc, écoutez ce qu'il a dit, Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il est possible que la menace ne la touche pas, cette personne, en raison d'une condition qui ne s'est pas réalisée ou en raison de la présence d'un empêchement. Hein? Il se peut que l'interdiction ne lui soit pas parvenue. Et il se peut qu'elle se repente, cette personne, de cet acte interdit. Et il se peut qu'elle ait d'immenses bonnes actions qui effacent le châtiment de cet interdit. Et il se peut qu'elle ait été éprouvée par des calamités qui sont une expiation pour elle de cet interdit. Et il se peut qu'intercède pour elle un intercesseur obéi. Et maintenant, il va parler de ce dont on parle ici, c'est quoi ? Le kufr. Et de même en ce qui concerne les paroles dont celui qui les a dites mécroit. Il se peut que les textes qui rendent obligatoire la connaissance de la vérité ne soient pas arrivés à l'homme. Et il se peut qu'il lui soit arrivé, mais que pour lui, il ne soit pas authentique. Ou qu'il n'a pas pu les comprendre. Et peut-être qu'il a été sujet à des ambiguïtés en raison desquelles Allah, le Très-Haut, l'excuse. Donc, celui parmi les croyants qui fait un effort d'interprétation dans la recherche de la vérité et commet une erreur, Allah, le Très-Haut, lui, pardonne son erreur, et ce quelle erreur que ce soit dans les affaires spéculatives ou scientifiques. C'est cela sur quoi étaient les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, et tous les imams de l'islam. Et maintenant, il va rapporter un point un peu technique, parce qu'on va rentrer un peu dans l'usul fiqh, c'est pas long, mais essayez de suivre, c'est pas difficile à comprendre, inshallah. Et il dit, فَأَمَّا التَّفْرِيقَ بَيْنَ النَّوْعِ وَتَسْمِيَتِهِ بَيْنَ النَّوْعِينَ وَتَسْمِيَتِهِ عفواً بين النوعين نعم وتسميته مسائل الأصول يكفر بإنكارها وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع لا يكفر بإنكارها فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا عن أئمة الإسلام إنما هو مأخوذ من المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع وعنهم تلقاهم من ذكرهم من الفقهاء في كتبهم وهو تفريق متناقض. Puis il va discuter cet Afrique. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, quant à la différenciation entre un genre et son appellation, des affaires de l'ordre des fondements. Il a dit, cher ici, Masail Osoul. Hein, vous situez bien, Masail Osoul, et après il va parler de Masail quoi ? Al-Furu'. Ici, il dit, les affaires de l'ordre des fondements, dont celui qui les dénie mais croit. Il y a un autre genre et son appellation. Il dit qu'il y a des gens qui font cette différenciation entre les deux. Bien, il va réfuter cette différenciation, en fait. Il dit, des affaires de l'ordre d'ordre des fondements, des osoul, dont celui qui les dénie mécroit, et un autre genre et son appellation, les affaires de l'ordre des quoi? Des branches, dont celui qui les délaisse ne mécroit pas. Vous voyez la distinction qu'ils essaient de faire, hein? Entre les masses et l'osoul, que celui qui les quoi? Il les dénie, il est... Naam, ou bien le masail de l'furu' qui s'il les délaisse, il ne me croit pas. Cheikh Issam Djemia dit cette différenciation n'a aucun fondement ni chez les compagnons, ni chez ceux qui les ont suivis de manière exemplaire, ni chez les imams de l'islam. Mais de plus, cela n'est pris que chez les mu'tazila et leurs semblables parmi les gens de l'innovation religieuse, et deux ont pris ceux qui ont dit cela parmi les jurisconsultes dans leurs livres. Et c'est une différenciation contradictoire. Là, il va le montrer, en fait. فَإِنَّهُ يُقَالِ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ مَا حَدُّ مَسَئِلِ الْأُصُولِ الَّتِي يَكْفُرُ الْمُخْطِئُ فِيهَا وَمَا الْفَاصِلِ بَيْنَهَا بَيْنَ مَسَئِلِ الْفُرُوعِ. Il dit, Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, car on dit à celui qui fait cette différenciation entre les deux genres, quelle est la définition des affaires de l'ordre des fondements dont celui qui commet une erreur par rapport à elle mécroît? Et quelle est la séparation entre elles et les affaires de l'ordre des branches? Ce que vous faites justement, c'est quoi cette différenciation? Eh bien, il répond et dit فَإِنْ قَالْ مَسَئِلْ أُصُولِ هِيَ مَسَئِلْ إِعْتِقَادِ وَمَسَئِلْ فُرُوعِ هِيَ مَسَئِلْ عَمَلْ. S'il dit que les affaires de l'ordre des fondements, ce sont les affaires du domaine de la quoi? De la croyance. Et les affaires de l'ordre des affaires des branches sont les affaires du domaine des actes. On lui répond قيل له تنازع الناس في محمد صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أم لا وفي أن عثمان أفضل من علي أم علي أفضل وفي كثير من معاني القرآن وتصحيح بعض الأحاديث وهي من المسائل الاعتقادية العلمية وما كفر فيها أحد بالاتفاق وما كفر فيها أحد بالاتفاق ووجوب الصلاة والصيام والزكاة والحج والتحريم الفواحش والخمر هي مسائل عملية. Regardez la réponse d'Ibn Taymiyyah. Je répète la question. Il dit, quelle est la définition des affaires de l'ordre des fondements dont celui qui commet une erreur par rapport à elle mécroît? Et quelle est la séparation entre elles et les affaires de l'ordre des branches? S'il dit que les affaires de l'ordre des fondements sont les affaires du domaine de la croyance, et les affaires de l'ordre des affaires des branches sont des affaires... sont les affaires du domaine des quoi? Des actes ou des actions. On lui répond, les gens ont divergé sur la question suivante. Est-ce que Mohammed a-t-il vu son Seigneur ou pas? Est-ce que Uthman a plus de préscience que Ali ou Ali a plus de préscience que Uthman? Et de beaucoup de sens, dans beaucoup de sens du Coran et dans l'authentification de certains hadiths, et ces affaires sont des affaires scientifiques de la croyance. Et personne n'a été jugé mécréant. On a mécru à leur sujet et ce, à l'unanimité. Et l'obligation, maintenant il donne un autre exemple, il dit, et l'obligation de la prière, du jeûne, de la zakat et du hajj, c'est quoi tout ça? Ainsi que l'interdiction des turpitudes et de l'alcool. Ce sont des affaires du domaine des actes. Et celui qui les réunit aura mécru et ce, à l'unanimité. وإن قال مسائل الأصول هي المسائل القطعية قيل له كثير من مسائل العمل قطعية وكثير من مسائل العلم ليست قطعية وكون المسألة قطعية أو ظنية هي من الأمور الإضافية وقد تكون المسألة عند رجل قطعية لظهور الدليل القاطع له كمن سمع النص من الرسول صلى الله عليه وسلم وتيقن مراده منه وعند رجل لا تكون ظنيا فضلا عن أن تكون قطعية لعدم بلوغ النص إياه أو لعدم ثبوت عنده أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته. Voyez Ibn Taymiyyah, ces paroles comme elles sont précises. Essayez de vous accrocher. Inch'Allah, je pense que je commence à voir, c'est pas encore trop difficile. Il dit, et s'il dit maintenant, les affaires du domaine des fondements sont des affaires catégoriques, qat'iyya. On lui dit, beaucoup des affaires du domaine des actions sont catégoriques. Et beaucoup du domaine de la science ne sont pas catégoriques. Et que l'affaire soit de l'ordre du catégorique ou de l'ordre du conjectural, cela relève du complémentaire, min al-umur al-idafiyya. Et il se peut qu'une affaire soit pour un homme catégorique, en raison de la clarté de la preuve catégorique pour lui, comme celui qui entend un texte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et dont il est certain quant à son sens. Il se peut que pour un autre homme, elle n'est même pas conjecturale. Et à plus forte raison, elle n'est pas catégorique, en raison du fait que le texte ne lui est pas arrivé, ou parce qu'il ne le considère pas comme étant authentique, ou parce qu'il n'a pas pu connaître ce qu'indique ce texte. Puis on termine cette règle-là en disant « وَقَدْ تَبَتَ فِي الصَّحِيحِ » C'est toujours la parole d'Ibn Taymiyyah. عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الذي قال لأهلي سأحدثك عن جسدي دون كوف خسدا إذا أنا ميت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم فوالله لا إن قدر الله علي لا يعذبني عذابا لم يعذبه أحد من العالمين فأمر الله تعالى البر برد ما أخذ منه والبحر برد ما أخذ منه وقال ما حملك على ما صنعت قال خشيتك يا رب فغفر الله له. Ibn Taymiyyah termine cette phrase en disant ce point-là, il dit « فَهَذَا ظَاهِرُ شَكَّ فِي قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَفِي الْمَعَادِ بَلْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَعُودُ وَأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ. انتهى كلام Ibn Taymiyyah رحمه الله. Et un hadith a été rapporté de manière authentique dans l'authentique d'Al-Bukhari, hein, on avait même vu qu'il est aussi dans Sahih Muslim, sur celui qui dit à sa famille: si je meurs, brûlez-moi et puis jetez mes cendres dans la mer. Car par Allah, si Allah me ramenait à lui, il me châtierait d'un châtiment dont il n'a châtié personne des mondes. Quand il a dit si Allah me ramenait à lui, qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a eu un doute en quoi? De qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Si Allah me ramenait à lui, il me châtierait d'un châtiment dont il n'a châtié personne des mondes. Allah ordonna alors à la terre qu'il rendît ce qu'elle avait pris de lui. Et il ordonna à la mer qu'il rendît ce qu'elle avait pris de lui, et dit: qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Il répondit: ma crainte envers toi, ô mon Seigneur. On avait vu dans qu'on avait rapporté le hadith plus en détail, on avait vu que pourquoi il a fait ça, parce qu'il avait quoi? Exagéré dans le ma'asi. Et regardez la fin du hadith, et Allah lui pardonna. Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah dit: ce qui apparaît de celui-ci, c'est qu'il a douté de la capacité d'Allah, le Très-Haut, et de la résurrection. Mais de plus, il pensait qu'il ne serait pas ramené, que s'il faisait cela, Allah le Très-Haut ne serait pas capable de le ramener à lui. Et Allah lui pardonna. Fin de citation d'Ibn Taymiyyah, je vous donne la référence. C'est Al-Masail Al-Mardiniya, page 65-68, et voir aussi le Majmou' al-Fatawa d'Ibn Taymiyyah. Page 572-573. Il ne rapporte pas le volume ici. وَمِمَّا وَقَفْتُ عَلِيهِ مِنْ كَلَامِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَةَ. C'est qui parle ici? Cheikh Ahmed Mazmoul. رحمه الله. في مسألة التكفير. ما نقله الذهبي قال: كان شيخنا ابن تيمية في أواخر أيامه يقول: أنا لا أكفر أحدا من الأمة. ويقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فمن لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. Ou plutôt, ce qui rapporte Al-Dhahabi de qui? D'Ibn Taymiyyah. Et Al-Dhahabi, c'est qui? C'est un grand savant de l'islam qui écrit notamment Sir Al-Alam Nubala. D'ailleurs, cette parole se trouve dans le volume 15 et qui est un élève d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Rahimahumullah. Cheikh Ahmed Bazmoul, il dit: parmi les choses que j'ai lues parmi les paroles d'Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde sur le tekfir, c'est ce que Al-Dhahabi a rapporté en disant: notre cher Ibn Taymiyyah disait dans ses derniers jours: moi, je ne juge personne de cette communauté comme étant mécréant. Et il disait, rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est un hadith qu'on a déjà vu dans un des cours, ne préserve les ablutions qu'un croyant. Celui donc qui préserve les prières avec les mêmes ablutions est un musulman. Fin de citation de Dahabi rahimahullah, voir Siyar A'lam Nubala, volume 15, page 88. Maintenant, on rentre dans la huitième règle. الضابط الثامن لا تلازم بين الحكم بكفر القول والفعل وبين قائله وفاعله. Ça rappelle une parole que j'ai citée de Jalal Albani la semaine passée, quand j'ai dit quoi? Laisse كل ما وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وليس كل ما وقع في الفسق وقع الفسق عليه، وليس كل ما وقع في البدعة وقعت البدعة عليه. C'est quoi cette règle ici? C'est importante. Hein? Qu'on vienne pas vous mettre des ambiguïtés. Juger une parole ou un acte comme étant une mécréance n'implique pas nécessairement de juger la personne qui a dit cette parole ou commis cet acte comme étant mécréante. لأنه قد يقوم مانع يمنع من الحكم بكفر القائل والفاعل. Ça c'est une phrase que vous aurez pu dire maintenant parce que vous connaissez maintenant شروط الموانع etc. Hein? Pardon? Il y a une différence. Regarde qu'est-ce qu'il a dit avant. Regarde, reviens à la peut-être pas le livre. C'est Qiyam al-Hujja. La septième, c'était sur Qiyam al-Hujja. Hmm? Tu fais référence à une autre règle, quoi? Hein? Non, non. Elles sont liées. Parce qu'il parle ici de Mawani'a aussi. Il dit, car il se peut qu'il y ait un empêchement qui empêche de juger comme étant mécréant celui qui dit cette parole et ou commet cet acte. Et puis il rapporte encore Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Ibn Taymiyyah, les ulama le citent beaucoup, parce que c'est un imam de la communauté, c'est pour ça qu'on l'appelle Cheikh al-Islam. Hein? Et c'est un muhakkik dans ce genre de masail al-aqida. Vous avez entendu ce qu'il a dit à Abu Ayyad pour les frères qui étaient à la conférence, quand il a fait l'Amiya, qu'est-ce qu'il a dit? Ya sa'ili an madhhabi wa Ibn Taymiyyah qui quelqu'un qui lui a posé une question, il a dit ya sa'ili an madhhabi wa aqidati ruziq al-huda man lil hidayati yas'alu isma' kalam haqq kalam muhaqqiq la yanthani anhu wa la yatabaddal hubb as-sahabati kulluhum li madhhabun jusqu'à à la fin du poème. Hein? Essayez de le faire, de mémoriser, il fait que 16 lignes, que 16 vers. Et essayez de le faire mémoriser aux enfants aussi et à vos familles, etc. Hein? Isma' kalam muhaqqiq. Là, chaque bintimia, c'est un muhakkik fait dans le masail ilmiya et à leur tête, masail l'itiqadiya. Et c'est un important sujet parce que certains tekfirines ou que les gens qui ont choubou de tekfir, ils essaient d'utiliser des paroles de bintimia, à mauvais escient. Cheikh l'islam ibn Taymiyyah, قال, rahimahullah, ولم يكفر أحمد أعيان الجهمية. Ça, c'est un point que tous les mashayikhs, quand ils parlent de ça, il rapporte ça comme exemple. Hein? Quand Cheikh Fala Asmi a eu certaines jalsadak avec certains frères, etc., il a rapporté ça comme exemple. Cheikh Raslan, dans son cours sur le tekfir, il rapporte cet exemple. Sur l'Uthaymin, il rapporte cet exemple. L'ulama, il rapporte cet exemple. C'est qui? L'exemple d'Imam al-Sunnah avec qui? Jahmi à son époque. Parce qu'il disait des paroles de couvre. Par rapport à cette parole ici, que ce n'est pas toute personne qui dit une parole de couvre ou commet un acte de couvre que nécessairement c'est un. Hein, on le juge de manière spécifique comme étant un kafir. Écoutez cette parole, il dit « وَلَمْ يُكَفِرْ أَحْمَدْ أَعْيَانَ الْجَهْمِيَّةِ » Vous voyez, « أَعْيَانَ » c'est le pluriel de « عَيْن » une personne spécifique. « وَلَا كُلْ مَنْ قَالْ إِنَّهُ جَهْمِيَ كَفَّرَهُ وَلَا كُلْ مَنْ وَافَقَ الْجَهْمِيَةِ فِي بَعْدِ بِدَعِهِمْ بَلْ صَلَّ خَلْفِ الْجَهْمِيَةِ » C'est pour ça que Cheikh Falah, une des premières questions qu'il a posé à un frère, je lui ai dit « Tu pries derrière elle ?» Cette femme que tu as jugée mécréante, hein, tu pries derrière elle? Frère, elle a dit non. Elle a dit, bah, tu l'as jugée mécréante, halas. Regardez. Sallah khalf al-jahmiyya alladhina da'u ila qawlihim. Wa imtahanu an-nas wa aqabu man lam yuwafiqhum bil-uqubat al-ghalidha. Lam yukaffirhum Ahmad wa amthaluhu. Bal kana ya'taqidu imanahum wa imamatahum lahum. Wa imamatahum wa yad'u lahum. يدعو لهم ويرى الائتمام بهم في الصلوات خلفهم والحج والغزو معهم والمنع من الخروج عليهم ما يراه لأمثاله من الأئمة وينكر ما أحدثوا من القول الباطل الذي هو كفر عظيم وإن لم يعلموا هم أنه كفر وكان ينكره ويجاهد على رده بحسب الإمكان. Et puis là, il a mis cette phrase en lettres grasses, si vous voulez, en écriture grasse, pour montrer l'importance de cette phrase-ci. فَيَجْمَعُ بَيْنَ طَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِظْهَارِ السُّنَّةِ وَالدِّينِ وَإِنْكَارِ بِدَعِ الْجَهْمِيَّةِ الْمُلْحِدِينَ وَبَيْنَ رِعَايَةِ حُقُوقِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَالدِّينِ وَإِنْ كَانُوا جُهَّالًا مُبْتَدِعِينَ وَظَالِمَةً فَاسِقِينَ. Écoutez cette magnifique parole de Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il dit, Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, Ahmed, c'est qui Ahmed? C'est l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, n'a pas jugé les individus spécifiques parmi les jahmites, et il n'a pas jugé tout individu dont il a dit à son sujet que c'était un jahmite comme étant mécréant. Ni tous ceux qui ont été d'accord avec les jahmites au sujet de certaines de leurs innovations religieuses. Mais de plus, il a prié derrière les jahmites. Or, s'il les avait jugés mécréants, est-ce qu'il aurait prié derrière eux? Non. Il a prié derrière les jahmites qui appelaient à leur innovation religieuse et qui testaient les gens sur cette... Vous avez l'imtihan. Qu'est-ce que tu dis dans le Coran? Et châtiaient ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux par les châtiments les plus sévères. Et je vous ai promis un jour qu'on ferait un cours sur le mihna de l'imam Ahmed. Inch'Allah, je vais essayer de tenir ma promesse un jour, Inch'Allah. Pour voir cet imam, qu'est-ce qu'il a vécu, subhanallah al-adim. Il a été torturé jusqu'à ce qu'à certains moments il s'évanouissait. Rahmatullah alayh. Il y a des gens de la sunna, des imams de la sunna qui sont morts dans cette mihna-là. Notamment le compagnon de l'imam Ahmed, rahimahullah. C'est qui? Allah fadak zakla ahsant, Mohamed ibn Nouh, rahimahullah. Il faut connaître les noms des imams, ya ikhwa. Wallah, ya ikhwa, quand vous entendez leur histoire, wallah, vous avez les larmes aux yeux. Pour tout sunni, salafi qui se respecte, il va avoir les larmes aux yeux. Ces gens-là, ils ont sacrifié leur personne. Pourquoi? Pour rendre la sunna victorieuse. L'imam Ahmed, rahimahullah, le mihna. Le ulama, il réfère à ça par rapport au mihna de l'imam Ahmed. Et c'est tout ce qu'il a vécu, etc. Et pendant une longue période. Rahmatullah alayh. Et cette mihna-là, il y a beaucoup d'enseignements tirés, nous, pour nous, gens de la sunna. Regardez ce qu'il dit, Ibn Taymiyyah, sur son prédécesseur, l'imam Ahmed. Et il voyait, donc j'ai dit quoi? Il a prié derrière les jahmites qui appelaient à leur innovation religieuse et qui testaient les gens et châtiaient ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux par les châtiments les plus sévères. Ahmed et ses semblables ne les ont pas jugés comme étant mécréants, mais de plus il avait la croyance qu'ils avaient de la foi et en leur gouvernance, et faisait des invocations pour eux. Est-ce qu'il va faire une invocation pour un kafir? Là. Et il voyait le fait de les suivre lorsqu'ils guidaient la prière en priant derrière eux, ce qu'on appelle l'imam bil-imam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Inna maj'ul al-imam yu'tamma bih. L'imam n'était placé que pour qu'il soit suivi, pris en exemple. L'imam Ahmed, il priait derrière eux. En priant derrière eux, ainsi que le pèlerinage et les expéditions avec eux, ainsi que l'interdiction de se rebeller contre eux. Ce qu'ils voyaient concernant leurs semblables parmi les gouverneurs. Et ils reprochaient, ce qu'ils avaient innové. Mais d'un autre côté, ils reprochaient ce qu'ils avaient innové. Comme parole fausse, écoutez la parole du Béthi Messidi, Kufrun Azim, qui est une grande mécréance. Et c'est le fait de dire quoi? Notamment, parmi leurs bida'a, Al-Qur'an makhlouq. C'est une grande mécréance de dire ça. Aqidat al-sunna, enseignez-la à vos enfants, apprenez-la vous-même, apprenez-la à vos familles, vos frères, vos sœurs, vos parents, vos tantes, vos oncles, vos femmes, etc., vos enfants, vos amis. Que le Qur'an, kalamullah, ghayru makhlouq. Tu dois dire ça aussi. Le Qur'an est la parole d'Allah et il n'est pas créé ou est incréé. Ça doit être enraciné dans nos cœurs et dans le cœur de nos proches. Le Coran, kalamullah, c'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et il n'est pas créé. Donc Ibn Taymiyyah dit, il reprochait ce qu'ils avaient innové comme parole fausse, qui est une grande mécréance, et ce même si eux ne savaient pas que c'était une mécréance. Il reprochait cela, et les combattait dans la réfutation de cela, en fonction de ses capacités, rahimahullah. Et donc il regroupait, écoutez cette belle parole sur laquelle il finit ici, et cette parole qui est en lettres grasses. Il regroupait entre l'obéissance à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam, en montrant la sunna et la religion, et en réfutant les innovations religieuses des jahmites impies, et entre le respect des droits des gouverneurs croyants, et de la religion, et ce même s'ils étaient des ignorants innovateurs et des injustes pervers. Fin de citation de Ibn Taymiyyah, Majmou' al-Fatawa, volume 7, page 507-508. وقال رحمه الله encore une fois Ibn Taymiyyah تكفير الجهمية مشهور عند السلف والأئمة لكن ما كان يكفر أعيانهم فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقوله والذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو فقط والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي يعاقبه ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية إن القرآن مخلوق وإن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الآخرة وغير ذلك ويدعون الناس إلى ذلك ويمتحنونهم ويعاقبونهم إذا لم يجيبوهم ويكفرون من لم يجيبهم حتى إنهم كانوا إذا افتكوا الأسير لا يطلقونه حتى يقر بقول الجهمية إن القرآن مخلوق وغير ذلك ولا يولون متوليا ولا يعطون رزقا من بيت المال إلا لمن يقول ذلك ومع هذا فالإمام أحمد رحمه الله رضي الله تعالى عنه ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمهم بأنهم لم يتبين لهم أنهم مكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم ولا جاحدون لما جاء به ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال ذلك لهم. أيدي بن تيمية رحمه الله juger les jahmites. Et ça, ça illustre bien le titre de cette règle qu'on est en train de voir. Qui est quoi? Qui est, hein? Je vous laisse la dire. Tout le temps. Annie. Hein? Juger une parole que c'est une mécréance ou un acte comme étant une mécréance, cela n'implique pas nécessairement juger la personne qui le dit ou fait cet acte comme étant mécréante. Écoutez ce qu'il dit. Juger les jahmites comme étant mécréants est quelque chose de connu de nos pieux prédécesseurs et des imams. Mais ils ne jugeaient pas les individus spécifiques parmi eux comme étant mécréants. Celui qui appelle à une parole, cela est plus grave que celui qui ne fait que la dire, on est d'accord, hein? Et celui qui châtie, celui qui s'oppose à cela, est plus grave que celui qui ne fait qu'y appeler. Et celui qui juge mécréant, celui qui s'oppose à lui, cela est plus grave que celui qui ne fait que le châtier. Or, on a vu qu'ils ont fait tout cela. Hein? Malgré cela, ceux parmi les gouverneurs qui disaient la parole des jahmites, que le Coran est créé et qu'Allah n'est pas vu dans l'au-delà, etc., ils et appelaient les gens à cela, et testaient les gens quant à cela, et les punissaient s'ils ne les obéissaient pas dans le fait de dire cela, et jugeaient mécréant celui qui ne leur obéissait pas dans le fait de dire cela, à tel point que lorsqu'ils libéraient le prisonnier, ils ne le libéraient pas avant qu'il admette la parole des jahmites. Que le Coran est créé, etc. Vous savez, Cheikh Raslan, il dit ça. Hein? Il dit que quand les kuffars, ils avaient un musulman captif, les jahmites, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient quoi? Ils testaient son Coran avant de demander sa libération. Subhanallah. Et ils ne plaçaient à une direction administrative et ne donner de l'argent de la caisse qu'à ceux qui disaient cette parole des jahmites. Et malgré tout cela, l'imam Ahmed, qu'Allah le Très-Haut l'agrée, a demandé à Allah de leur faire miséricorde et de leur pardonner, car il savait que ne leur était pas apparu clairement qu'ils avaient démenti le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils reniaient ce avec quoi il était venu sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils avaient une mauvaise interprétation et se sont trompés et ils ont suivi aveuglément ceux qui leur ont dit cela. Fin de citation. Dans le Masail al-Mardiniya, page 69, il a dit aussi, voir Majmou' al-Fatawa, volume 12, page 488-489, et volume 23, page 348-349. Pour les frères qui ont le livre, s'ils reviennent à la page précédente, ils vont voir que Cheikh Bazmoud a fait une note de bas de page. Quand il a parlé de la parole, quand il parlait des jahmites, que quoi? Que Ibn Taymiyyah l'a regroupé entre le fait d'obéir à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam et le fait de donner quand même leurs droits. Hein? Même s'ils sont quoi, on a dit, hein? Il a utilisé les mots, il a dit, et entre le respect des droits du gouverneur croyant et de la religion, et ce même s'ils étaient des ignorants innovateurs et des injustes pervers. Vous vous souvenez de cette parole-là? Cheikh Bazmoul, il dit quelque chose en bas, et la note de bas de page continue à la page suivante. Il dit, « Ibrah wa abrah ». Hein, je vais traduire ça après. Ibrah wa abra. Ondurra akallah. Fi mokif, imam ahli sunnah, min al imati wal hukam. Fi zamanihi alladhina qalu bi qawli al jahmiya. Wada'u ilayhi al nas. وعاقبوا مخالفيهم أشد العقوبة وأغلظها وأهانوا المسلمين المخالفين لهم أعظم إهانة وقارن بما يدعو إليه بعض الناس في هذا الزمن ضد الحكام من تكفيرهم والدعوة والتحريض على الخروج عليهم ثم قل من أشبه بالخوارج المعتزلة هؤلاء الذين صرحوا بالتكفير ودعوا إليه وهيجوا وحرضوا على الخروج على الحكام أم غيرهم ممن لا يقول بقولهم. Cheikh Ahmed Bazoun, qu'est-ce qu'il fait en fait ici? Il est en train de lier cette mas'ala qui s'est passée à l'époque de l'imam Ahmed et ce mouqif de l'imam Ahmed qui était un dars pour nous et qui il nous a laissé un madhab à suivre, rahmatullah alayh, et ce qui se passe aujourd'hui. Et il dit quoi? Que je retrouve cette parole en français ici. Il dit « Ibrah wa abrah ». Ibrah, c'est une leçon, une morale à tirer. Et Abrah, c'est un serment de cœur, une tristesse. Ibrah ou Abrah. Une leçon et un serment de cœur. Qu'Allah te préserve. Ra'akallah. Regarde la prise de position de l'imam des gens de la sunna envers les gouverneurs et les dirigeants à son époque qui disaient la parole des Jahmites. On a vu que c'était une parole de quoi? De kufr, de mécréance. Et là même, Cheikh Ibn Taymiyyah, il a utilisé ça. Quel mot? Kufrun azim. Et la parole des Jahmites, et les dirigeants de son époque qui disaient la parole des Jahmites, et qui ont appelé les gens, et qui ont châtié ceux qui s'opposaient à eux en cela, du châtiment le plus sévère et le plus dur, et qui ont humilié les musulmans qui s'opposaient à eux en cela, de l'humiliation la plus grande. Et compare cela à ce à quoi appellent certains de nos jours contre les gouverneurs, à savoir les juger mécréants, et l'appel et l'incitation à se rebeller contre eux, puis dit « Qui ressemble plus aux Khawarij et aux Mu'tazila ? Ceux-là qui ont fait le takfir de manière explicite, et y ont appelé, et ont excité, et incité à se rebeller contre les gouverneurs, ou les autres qui ne disent pas ce qu'ils disent ?» Ça, c'est ce qu'on appelle « Min al-fawariq bain al-salafiyya wa da'wat al-hizbiyya ». Si tu vois quelqu'un qui n'a pas ce mouqif là, le mouqif d'Ahl Sunnah, sache que ce n'est pas un salafi. Regardez Mohamed Hassan aujourd'hui. Les ulama, ils ont toujours mis en garde sur lui. Mais regardez comment sa situation s'est encore clarifiée, etc. Hein? Jusqu'à tel point qu'on l'a vu dans des marches, etc. Hein? En Égypte, etc., contre les gouverneurs, etc. Regardez le Maghraoui au Maroc. Dans une vidéo, une interview, et je l'ai tweeté pour les frères qui ont Twitter, hein, vous le voyez, il est assis dans sa mektaba, etc. Et il dit que la révolution du 20 février, c'est le groupe qui a essayé de faire un peu comme dans... Ils appellent ça le printemps arabe, en fait, c'est l'hiver arabe plutôt qu'il faut dire, c'est quoi hein, c'est le fitna qui est dans les pays arabes, etc. Ils ont essayé de lancer ça au Maroc. Alhamdoulilah, ça n'a pas pris, alhamdoulilah. Hein, mais ils sont actifs, ces gens-là. Il a dit, c'est Thawratul Mubaraka, al-Maghraoui. Il a dit que c'était une révolution bénie, il a dit. Et puis il fait un soi-disant tafsil, un détail dans les pays où les manifestations sont autorisées. Il dit non, dans les pays où la loi d'Allah est appliquée complètement et qui interdit les manifestations, eh bien, je l'interdis, mais pas dans les autres. Qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de faire? De dire qu'au Maroc, on peut faire quoi? Hein? On peut manifester. Vous voyez comment ils jouent avec les mots. Il ne faut pas être dupe. Cheikh Al-Uthaymeen, il y a X années, il avait dit, c'est un thawri. Ou comme il a dit, rahimahullah. Les ulama, quand ils parlent, quand Cheikh Najmi, les ulama, ils ont dit que c'est un takfiri, etc., etc. Les ulama, ils savent très bien ce qu'ils disent. Ils savent très bien pourquoi ils ont mis en garde sur lui. Après, lui avoir fait le conseil, etc. Regardez, les gens, tous les gens qui ont été réfutés par l'ulama, leur situation ne fait que se clarifier, dans le sens quoi? De se mettre en évidence de plus en plus. C'est pour ça qu'il est important, quand un alim fait un jarh mufassar, de prendre le jarh mufassar. d'un alim. Ce n'est pas une condition que tous les ulama soient d'accord. Ça, c'est, hein, comme il dit Ali Hassan al-Halabi et d'autres, ce genre de règles-là, elles n'existent pas. Cheikh Mohamed Amin Shinqidi, le grand savant, dans Malaq al-Saoud, qui est un livre dans Usul al-Fiqh, il a dit « Wa yuqbalu jarh al-adl wahid » Si un savant, hein, adl, il a fait un jarh, Mufassir, tu prends, khlas. Cheikh Oubid a critiqué quelqu'un, tu ne dis pas pourquoi Cheikh Rabi'i n'a pas parlé. Cheikh Rabi'i a critiqué quelqu'un, tu ne dis pas pourquoi Cheikh Oubid n'a pas parlé. Nous, on te pose la question, Cheikh Oubid a parlé, pourquoi toi, tu ne prends pas? Cheikh Rabi'i a parlé, pourquoi toi, tu ne prends pas? C'est ça la vraie question. Donc, ici, Cheikh Ahmed Bouzou fait partie de son bon enseignement qu'il a montré quoi, hein, qu'il, par rapport à cette da'awad qu'on a aujourd'hui. Abou al-Hassan al-Ma'ribi, la même chose. Il y a plus de centaines de roudoud sur lui. Vous connaissez Abou al-Hassan, vous avez déjà entendu ça, hein? L'ulama, il l'appelle Abou al-Fitan. C'était quelqu'un qui était chez Cheikh Mokbil à l'époque, rahimahullah. Hein? C'est un moubtadi'. Il a essayé de rentrer dans la salaf. Il y a beaucoup de qawaïd batila, comme dit Cheikh Raslan et d'autres. Pourquoi? Pour défendre Ahl Bida' al-Ahwa et attaquer les gens de la sunna. Donc, alhamdoulilah, les ulama, ils sont là. Et parmi eux, Cheikh Rabi'. Et il a écrit plusieurs réfutations, rien que sur lui, Abou al-Hassan, Cheikh Rabi'a notamment. Cheikh Raslan, l'année passée, il a fait toute une série de khotab sur Abou al-Hassan parce qu'il est intervenu encore. Hein? Vous savez, c'est quoi l'origine d'Abou al-Hassan, al-Ma'ribi? On l'appelle Ma'ribi par rapport à Ma'rib. Il est d'où, lui, à la base? Hassan, c'est un Égyptien, lui, à la base. Hein? Et il essaie de mettre dans certaines chaînes satellitaires des choubouhats encore par rapport au khouroj et par rapport à ces choses. Regardez, les ulama, quand ils mettent en garde sur quelqu'un, ils savent ce qu'ils font, ils voient. Comme il a dit Abou Hakim, notre frère à la Dora ici, il a dit que les ulama, ils voient la fitna de loin, ça. Mais les gens de la masse, ils la voient que quand elle a donné le dos, la fitna, elle est partie, khlas, raht. Les ulama, ils voient de loin. Fin des citations d'Ibn Taymiyyah, j'avais rapporté déjà les références. Neuvième règle sur le tekfir. Inch'Allah, si vous voulez, on n'est même pas encore à 45 minutes, on fera la neuvième, Inch'Allah, et la dixième. Et on s'arrêtera à la dixième, Inch'Allah. La neuvième règle sur le tekfir, الضابط التاسع, الكفر يكون بالقول بمجرده. كما سب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بهما أو بالدين. وقد يكون الكفر بمجرد الفعل كمن يجد لما يعبد من دون الله تعالى أو يطوف بالقبر وقد يكون الكفر بأمر اعتقادي وقد يكون الكفر بالشك فإن الكفر يقابل الإيمان فكما أن الإيمان لابد فيه من قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد في الجنان فإن الكفر يكون باللسان ويكون بالأعمال ويكون بالجنان إما باعتقاد ما ينافي الإيمان أو بالشك قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين سورة التوبة وفي الجميع ذلك لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع حتى يحكم بالكفر وينبني على ذلك أنه لا يصح حصر الكفر المخرج من الملة في الاعتقاد فقط. Neuvième règle sur le tekfir. La mécréance peut être juste par la parole. Comme celui qui insulte Allah le Très-Haut, qu'Allah nous en préserve, ou son messager, alayhi salatu wassalam, ou se moque des deux ou de la religion. Et la mécréance peut être par l'action, comme celui qui se prosterne pour celui qui est adoré en dehors d'Allah le Très-Haut, ou tourné autour de la tombe. Et la mécréance peut être par quoi aussi? Par une croyance. Et la mécréance peut être par un doute. Car la mécréance fait face à la foi. Comme pour la foi, il faut obligatoirement la parole de la langue et l'action des membres et la croyance du cœur, la mécréance se réalise par la langue et se réalise par les actions et par le cœur, soit par une croyance qui annule la foi, soit par le doute. Et je vous avais déjà rapporté la définition de l'iman qu'on appelle Khams Nounat de Cheikh Hamel Ansari, que Cheikh Falah Ismail nous a rapporté, c'est quoi? Ou d'autres mashayikh, c'est l'iman, qawlun bil lisan, wa i'tiqadun bil janan, wa 'amalun bil arkan, yazidu bi ta'ati ar-rahman wa yanqusu bi ta'ati ash-shaytan. Hein, il y a les enfants de 3e année l'année passée, hein, on leur a fait étudier. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont 7 ans. Donc n'importe d'entre nous, inchallah, ils devraient être capables de mémoriser ça. Je la répète doucement si vous voulez la noter ou la mémoriser. Al-iman qawlun bil lisan. Je l'ai d'ailleurs sur mon ordinateur écrite pour les enfants, donc si vous voulez, on pourra peut-être la tweeter pour que les gens qui veulent la télécharger, etc. Donc, al-iman qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa 'amalun bil arkan yazidu bi ta'ati ar-rahman wa yanqusu bi ta'ati ash-shaytan. Il dit, c'est un verset dont la parole, dans la traduction du sens est, et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment, nous ne faisons que bavarder et jouer. Dis, est-ce d'Allah, de ces versets, le Coran, et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Si nous pardonnons une partie des vôtres, nous en châtierons une autre pour avoir été des criminels. Surat Tawbah, verset 65-66. On a déjà cité ce verset-là, on a déjà cité pourquoi ce verset-là a été révélé. Et Inch'Allah, c'est quelque chose qui, dans les cours qu'on a fait avant, et c'est quelque chose qui va être revu parce qu'on va le voir dans un des nawaqid, Inch'Allah. Et en tout cela, encore une fois, cette notion fondamentale de quoi? Des shurut et des mawani'. Et en tout cela, il faut obligatoirement que les conditions soient réunies et les empêchements soient absents avant de juger quelqu'un mécréant. Et donc, en se basant sur cela, il n'est pas correct de dire que la mécréance qui fait sortir de la religion ne se réalise que par la croyance. 10e règle et dernière règle qu'on va voir aujourd'hui, mais il y en a 15 comme j'ai dit. الضابط العاشر أن الأصل في الحكم على الناس هو الظاهر والله يتولى السرائر. Donc ça rappelle une parole très connue du Cheikh Mohamed Abdel Wahab qui disait rahimahullah, nous jugeons les gens sur ce qui est apparent d'eux et nous laissons ce qu'elles font dans leur cœur à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. فليس لأمته من بعده إلا الحكم بحسب الظاهر وقبوله لأننا لا نعلم الغيب والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقبول الظاهر كما يدل عليه حديث أسامة بن زيد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحروقات من جهينة فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح قال أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم أقالها أم لا فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. والحديث أخرج البخاري في كتاب المغازي باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة ومسلم في كتاب الإمام إيمان عفوا باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله واللفظ له أي لمسلمين. La 10e règle sur le takfir, c'est quoi, on a dit? La base dans le fait de juger les gens est ce qui est apparent et Allah se charge de ce qu'il trouve dans le fond des cœurs. Cheikh Bezmoul, il dit, il n'appartient à sa communauté après lui, alayhi salatu wassalam, que de juger en fonction de ce qui est apparent. Et l'accepter, car nous ne connaissons pas l'invisible. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a ordonné d'accepter ce qui est apparent, comme cela est indiqué par le hadith de Usama ibn Zayd qui dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous avait envoyé en expédition et nous arrivâmes à l'aube à al-Huraqat de Juhayna. C'est quoi al-Huraqat? Mais c'est une des fratries de la tribu de Juhayna. Comme l'a dit Cheikh Mohamed ibn Ali ibn Adam l'Éthiopie dans son explication de l'Authentique de Muslim, volume 3, page 178. J'ai rencontré un homme, il y a plusieurs riwayats de ça, qui dit « La ilaha illallah » et je lui portais un coup de lance. Certaines riwayats, vous allez voir qu'en fait, il a levé son sabre. Cheikh l'Éthiopie dit qu'il n'y a pas de contradiction parce qu'on peut comprendre que quoi qu'il a levé son sabre et comme il a vu qu'il ne pouvait pas l'atteindre, il l'a fait quoi? Hein? Il lui a porté un coup de sa lance. Et j'ai ressenti quelque chose en moi par rapport à cela, et donc je l'ai dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors, Il a dit la ilaha illallah et tu l'as tué. Il dit, c'est-à-dire qui il? Oussama ibn Zayd. Je dis au messager d'Allah, il n'a dit cela que par peur de larmes. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, as-tu ouvert son cœur pour savoir s'il l'a dit ou pas? Vous comprenez ça, vous ne posez pas une question ici par rapport à s'il l'a dit ou pas. Hein? Alors qu'il l'a dit, hein? Il a dit cette parole. Hein? Je vous donne l'explication de Nawawi de ça. C'est intéressant. Hein? As-tu ouvert son cœur pour savoir s'il l'a dit ou pas? C'est qui le sujet ici de la phrase, du verbe? Le cœur. Il dit son cœur, Nawawi rahimahullah a dit que le sujet dans cette phrase est le cœur. Et le sens de cela, il ne t'a été demandé que d'agir en fonction de ce qui est apparent. Et de ce qui est dit par la langue, quant au cœur, tu n'as aucune voie pour accéder à ce qui s'y trouve. Et donc, il lui a reproché de ne pas avoir agi en fonction de ce qui a paru par la langue. Il lui dit, as-tu ouvert son cœur pour savoir si c'est le cœur qui l'a dit et qu'il y a cru et qu'elle s'y trouve ou qu'elle ne s'y trouve pas et qu'elle a juste été dite par la langue? C'est-à-dire, et toi tu n'es pas capable de cela et donc limite-toi à ce qui est dit par la langue. C'est-à-dire, et ne cherche pas autre chose. Fin de citation de l'imam Nawawi rahimahullah, et c'est rapporté par Cheikh Mohammed ibn Ali ibn Adam l'Éthiopie, dans son explication de Sahih Muslim, Al-Bahr al-Muhit al-Sajjaj, fi charhi Sahih l'imam Muslim ibn al-Hajjaj, volume 3, comme j'ai dit, page 181. Donc je répète cette phrase maintenant. As-tu ouvert son cœur pour savoir s'il, c'est-à-dire quoi? Le cœur, l'a dit ou pas? Il ne cessa de répéter cela à tel point que j'ai souhaité m'être converti à l'islam ce jour-là. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça, hein? Jusqu'à ce que j'ai souhaité m'être converti à l'islam ce jour-là. Eh bien, c'est-à-dire que ma conversion à l'islam ait été ce jour-là. Car l'islam efface ce qu'il y avait avant. Et donc il souhaita que ce temps-là soit le début de son entrée en l'islam, afin qu'il soit sauf du péché de cet acte. Il n'a pas souhaité qu'il ne soit pas musulman avant cela. Et ça c'est expliqué encore une fois par Cheikh Mohammed ibn Ali ibn Adam l'Éthiopie, volume 3, page 182. Et on termine par... Donc vous voyez un peu, si maintenant je vous demande, « Wajh l'istidlal », c'est quoi le témoin argumentatif de ce hadith par rapport à la dixième règle qu'on vient de citer? Qui sait me dire ça? C'est quoi la dixième règle, Bada? Si on ne sait pas la dixième règle, c'est qu'on ne saura pas répondre. Et de laisser. Non. Donc, vous savez, voir c'est quoi le témoin argumenté dans ce hadith par rapport à cette règle. Si tu parles à quelqu'un, tu lui dis cette règle, tu dis c'est quoi ton dalil? Tu dis hadith Osama ibn Zayd, ça ou là? Et tu lui cites. Non, on juge sur l'apparence. Parce qu'il a dit la ilaha illallah, khalas, il a dit la ilaha illallah. Parce que lui, voilà. Parce que toi, tu ne vas pas dire, non, mais il a dit ça de peur de larmes ou il a. Hein? Toi, tu le juges sur ce qu'il a dit. Il a dit la ilaha illallah. Ça, c'est la parole par laquelle tu rentres en islam. Donc, khalas. Hein? Toi, tu. Mais le professeur lui a reproché. À tel point que la riwaya, elle est claire. Il l'a répété, le professeur l'a répété jusqu'à ce que tel point que Osama ibn Zayd, il a souhaité quoi? Se converti que ce jour-là. Hein? Donc. Le témoin argumentatif, où il est ici dans le hadith? Tu peux juger l'apparence, il l'a dit. Ben c'est ça, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, hein, as-tu ouvert son cœur? C'est-à-dire, comme il a dit l'Imam Nawawi, rahimahullah, c'est quoi? C'est que tu juges par ce qui est apparent. Donc maintenant, tu es capable de sortir une preuve de cette règle-là et de lier cette preuve à la règle, ou la règle à la preuve. Et Cheikh, il termine cette parole en disant, cette règle en disant, « Omin dalika » et à partir d'ici, c'est une parole d'Ibn Taymiyyah aussi. Ibn al-Mulaqin, pardon. « An Allah subhanahu qad akhbara nabiyu sallallahu alayhi wa sallam an al-munafiqin » Et c'est une autre preuve de quoi? Qu'on juge avec ce qui est apparent, c'est-à-dire que la dixième règle de ce qu'on est en train de voir ici. Hein? Eh bien, « Omin dalika an Allah subhanahu wa ta'ala qad akhbara nabiyu sallallahu alayhi wa sallam an al-munafiqin »« Alladina kanu bayna dhahraini ashabihi muqimina mu'taqidin al-kufr » وعرفوا إياهم بأعيانهم ثم لم يبح له قتلهم وسبيهم إذا كانوا يظهرون الإسلام بألسنتهم فكذلك الحكم على كل أحد من خلق الله أن يؤخذ بما ظهر لا بما بطن، وقد روي مثل ذلك عن الأئمة، ومحل هذا ما لم يكن الأمر الكفري محتملا للكفر وغيره. دونك لا بارول جكا وقد روي مثل ذلك عن الأئمة سيد ابن الملقن، je vous rapporte la référence après qu'on ait traduit inshallah. Et aussi, c'est-à-dire une autre preuve de ce qu'on avance de cette dixième règle, quoi qu'on juge en fonction de l'apparence et qu'on laisse ce qu'il y a dans les cœurs à Allah Azza wa Jal. Maintenant, à partir de maintenant, c'est la parole d'Ibn al-Mulaqqin. Qu'Allah a informé son prophète, alayhi salatu wassalam, au sujet des hypocrites qui étaient résidents au milieu des compagnons et qui étaient mécréants dans leur fort intérieur. C'est ça la définition d'un hypocrite, on l'avait déjà vu, hein? D'accord ? C'est qu'il yudhir l'islam ou yubtin al-kufr. Il montre l'islam de manière apparente, mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'il cache ? Il cache le kufr. Et Allah Azzawajal les a fait connaître chacun de manière spécifique. Puis, ne lui a pas autorisé de les tuer ni de les faire captifs. S'ils montraient en apparence l'islam par leur langue, c'est-à-dire par les paroles. De même, le jugement sur tout individu. Que l'on ne prenne ce qui est apparaît et pas ce qui est caché. Et quelque chose de similaire a été rapporté des imams. Fin de la parole d'Ibn al-Mulqin. Je vous donne la fin de la référence. ما بين معكوفتين من كلام الملقن رحمه الله في التوضيح شرح الجامع الصحيح الجزء الذي حقه محمد إلياس محمد أنور لنيل درجة الماجستير جامعة أم القرى قسم الكتاب والسنة. عام 16 بعد 400,000 من الهجرة النبوية. Donc cette parole que j'ai dit qui est entre les deux parenthèses, elle est de l'imam Ibn al-Mulaqqin rahimahullah dans At-Tawdih Sharh al-Jami' al-Sahih volume 1 page 63, la partie qui a été vérifiée par Mohamed Ilyas Mohamed Anwar pour sa thèse de maîtrise à l'université d'Oum al-Qura où enseigne d'ailleurs qui Cheikh Mohamed Bezmoul au sein du département du livre de la Sunna de l'année 1416. Et puis il finit ce chapitre-là en disant, et en fait il introduit le chapitre qui est après, qu'on ne va pas voir aujourd'hui, Inch'Allah. Il dit, et cela n'est pas lorsque l'affaire relative à la mécréance peut potentiellement être soit de la mécréance, soit autre chose. Et on va voir en fait que c'est la 11e règle, si vous voulez on peut déjà peut-être lire la première ligne. Al-amr al-kufri, idha kan yahtamil al-kufr wa ghayrah, lam yuhkam bi annahu kufr hatta yatabayyan. C'est-à-dire que l'affaire qui est liée à la mécréance, si elle peut être de la mécréance ou autre chose que la mécréance, on ne juge pas par la mécréance jusqu'à ce que ce soit quoi ? Mise en évidence. Hein ? D'accord ? On va voir ce que ça veut dire plus en détail, Inch'Allah. Il va donner des preuves de tout ça, Inch'Allah. Et avec ça, on a fini donc le cours d'aujourd'hui et on a fait 10 règles. Et donc, le cours prochain, Inch'Allah, c'est la semaine prochaine jusqu'à preuve du contraire, Inch'Allah, on va faire la 11e règle, 12e, peut-être 13e, oui, 13e, Inch'Allah. Pour la 14e, je ne sais pas, on verra, Inch'Allah, mais certainement pas la 15e. Pourquoi ? Parce que la 15e, c'est quelque chose qui est très court, mais que moi, je vais essayer de faire en large. Pourquoi ? Parce que c'est sur le fait à qui revient le takfir. Hein ? On avait dit qu'on allait rapporter des paroles des savants, etc. D'accord ? Wallahu a'lam, wa subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.